Namasté Loïc, désolé pour cette réponse tardive. Je vais lire ton message et le commenter. Namasté François, namasté Loïc. J'ai peut-être un obstacle à la pratique que je peux te soumettre. Au quotidien, mes actions semblent contredire complètement mon désir d'éveil. Je me comporte de manière souvent assez incorrecte. Gestes déplacés, remarques désobligeantes, paroles blessantes, énervement, etc. Cela est vu, cela ne m'inquiète pas. Pourtant, je m'en veux de ne pas être un bon porteur du message de libération. Et même si ce sentiment est vu, il y a aussi un sentiment de tristesse m'envahit parfois. Par ailleurs, je cultive probablement l'idée que la qualité de nos actions peut favoriser ou non le dévoilement de soi. Il faut vraiment laisser de côté ces croyances-là, qu'il y a une certaine manière de se comporter qui est représentative du soi. En fait, c'est la perte d'identification, c'est le retrait de l'identification avec les comportements qui est un signe, le détachement des actions. Ça devient des actions juste quand c'est pas une action qui vient de l'identification. Donc, c'est les gestes déplacés, les remarques désobligeantes, les paroles blessantes, ça, c'est tous des jugements qui sont portés par le mental que ces choses-là ont pas leur place. En fait, quand on pratique et puis l'attention reste sur le soi, en fait, ça peut provoquer une genre de détoxification et qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées à l'intérieur et qui remontent à la surface et qui c'est un genre de nettoyage. Donc, si on regarde juste l'extérieur, des fois, ce processus-là peut paraître waouh, que ça même provoque des gestes déplacés ou des remarques désobligeantes parce il y a beaucoup de conditionnements qui font en sorte qu'on s'est pas permis de laisser exprimer des choses parce que c'était pas approprié. Mais ça, faut tout que ça s'en aille. Et puis, ça va se faire de soi-même par ta pratique. Et puis, être un porteur du message de la libération, ça peut facilement venir une distraction. Vaut mieux focusser sur ton cheminement et puis, par cette purification-là qui se fait, quand tu restes dans ce qui est déjà pur, éventuellement, les gens vont peut-être être attirés vers toi et vont demander des questions, mais tu vas pas être dans une quête de libérer les gens parce que ça fait en sorte que ça porte l'attention vers l'extérieur. Donc, tu dis après ça qu'il y a un sentiment de tristesse. Oui, la tristesse, ça a définition à sa place, mais quand la tristesse vient, c'est juste de continuer à voir qui est triste, qu'est-ce qui perçoit la tristesse. Ce qui perçoit la tristesse, est-ce que c'est triste? Je cultive probablement l'idée que la qualité de nos actions peut favoriser ou non le dévoilement de soi. Non. Faut juste garder l'attention sur le soi et puis la qualité des actions, ça n'a plus aucune importance. J'ai lu un passage de Ramana aujourd'hui qui me semble très approprié par rapport à ce que tu m'as écrit. C'est en anglais, je vais le traduire simultanément, donc ça risque de pas être parfait. Donc, n'entretenez pas des pensées à propos de l'imperfection. du manque de qualité désirable, etc. Vous êtes déjà parfait. Il faut juste enlever l'idée d'imperfection ou l'idée du besoin de développement. Il n'y a rien à réaliser ou à détruire. Vous êtes le soi. L'ego n'existe pas. Poursuivez l'enquête et voyez s'il y a quelque chose à réaliser ou à détruire. Regardez si il y a un mental qui doit être contrôlé. Les efforts sont faits par le mental qui, en réalité, n'existe pas. Donc, toutes les qualités, comme Ramana dit, émergent naturellement du soi. Et puis, quand on est le soi, ça n'a plus d'importance l'expression que ça prend. Donc, il faut vraiment permettre à tout ce qui se manifeste d'être comme c'est, et puis de garder l'attention sur le soi qui n'exprime rien, qui est en paix continuellement. Donc, voilà. Namaste, Loïc.